Le groupe de félicitations des Coréens au Japon pour célébrer le 7e congrès du Parti du Travail de Corée, conduit par Pu Yong-ho, président de la direction de la préfecture d'Osaka de l'Association générale des Coréens au Japon, a visité le 1er mai Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung.